in the top. Wow. On veut des millions, tu fais de l'escrime. Oh que j'ai des putains d'amis qui viennent dans le crime. Quand le tapis se braque, y'a le canon qui brille. Y'a le canon qui bat, bat, bat, ça élève de la part de la crime. Qui est bien c'est dont tu rêves? Moi. Dis-nous qui roule dans la West. Moi. Qui a poussé les robes? Qui bicrape des CD, qui bicrape de la bœuf? Moi. À qui on a porté l'œil? Moi. À qui vous souhaitez le deuil? Moi. J'ai des vrais amis, la vie de ma mère, qu'il ne faut pas que je trempe des failles. Depuis le CGT, j'en ai plombé. Décater un peu le bâtiment B. Je connais bien la rue, tu crois nous baiser? Pas mon fiston tout se passe, qui te tombe. T'as pris bouteille d'eau, frère, t'as pas d'assaut. En pointe d'une date, tu filmes la guerre des autres. Je reviens de chez les morts et comme une bouteille, j'ai atteint le sable par le zoo. Il sort toute la semaine avec les sous la coquenne. Petit quand je fais du shit dans les bras de portoricaine. Y'a personne qui va nous ken. Tu te réveilles, je suis dans les thèmes. En chante sur mes planches, j'ai passé d'orceaux. Dans le rap, ils sont mes gosses, ils font du costaud. Sans le scooter des nerfs, vas-y, mets le coco. Comme une corazon, est-ce mes regalos? Bah oui, mon gros. Trop loin derrière, oh ben. T'es dans 205, je suis dans la RS. Leur entrée dans en vrai, ça serait trop simple. Les gens qui me soutiennent, je les aime énormément. J'ai bien grandi, c'est grâce à toi, maman. 9 mm là à tout moment. La lune ce soir, elle est au firmament. On veut des millions, tu fais de l'escrime. Oh que j'ai des putains d'amis qui baignent dans le crime. Quand le tapis se braque, y'a le canon qui brille. Y'a le canon qui blablabla, ça élève de la part de la crime. En bas de chez moi, un petit avec un stun. Tu eux va m'acheter du pain. Dans le sac à dos, l'ado a des raids bas. De quoi me faire semer par vent. Ceux qui me respectent, comment j'ai fait pour mes gravants. Voyant toujours été devant, pas comme le reste. Un coup de feu près de la fuite, vont prétexter la cuite. J'ai pas ce qui m'arrive d'or, des fois je vois l'avenir. J'ai l'impression qu'ils veulent ma place et veulent me voir dehors. Des max à la pompe et y'a les keufs qui passent. Mais c'est plus important de faire l'été dehors. Mais t'as pas également, qui m'invente des histoires. Le Glock 26, putain de bête de trop de monde. Algérie, je suis mieux que Léonard de Vinci, ouais, ouais. Faut de l'eau, faut de l'eau, faut de l'eau. Non, mais non, c'est pas pour les femmes. Shopping 2000 par mois, faut de l'eau. Tu n'as pas de mari, t'es comment pour les loups? Rebelle for real, je connais des femmes bien plus braves que les hommes. Qui pètent pas les plombs quand elles voient des sommes. Qui nous rappellent les vrais hommes que nous sommes. Bellet.